الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue l'explication du livre من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسين العباد البدر. Aujourd'hui on va commencer le premier verset choisi par le Cheikh et qui se trouve sur Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, c'est-à-dire la Surat des Limbes. C'est le verset 180. يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Walillah. Donc l'âme huna li tamlik. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui possède ces noms. Qu'Allah Azzawajal, c'est à lui qu'appartient les noms. Comment sont ces noms? Al-Husna, c'est-à-dire qu'ils sont les plus beaux, qu'ils sont les plus parfaits. Des noms parfaits. Des noms parfaits, comme va nous expliquer le Shir, des noms qui ont une perfection absolue. Fad'uhu biha, invoquez-le par ses noms. Et on va voir bien sûr que l'invocation d'Allah Azzawajal par ses noms est légiférée de par ce verset. Wa yadkhul fi tawassul al-mashru'. Tayyib. Ici c'est une preuve du Coran qu'Allah Azzawajal donc possède des noms. Allah Azzawajal possède des noms. C'est donc la preuve du Coran par ce verset. Walillahi al-asma'ul husna. Donc on est obligé d'attester, comme Allah Azza wa Jalla a attesté pour lui-même qu'il avait des noms. Ça, c'est une évidence. Le shir dit Al-ilmu bi asma'illah wa sifati min al-ghayb alladhi la yu'raf illa bil-wahy. Il faut savoir que là, que la science des noms d'Allah Azza wa Jalla et également, bien sûr, de ses attributs font partie de l'invisible. Ce qui rentre dans la science de l'invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir accès sauf par révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné l'islam, qui nous a enseigné la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était le transmetteur, il n'a su sinon que par la révélation qu'Allah azawajal lui a faite, ce qu'il lui a appris et informé. Et donc on a connu nous les noms d'Allah azawajal de par le Coran, qui est la parole d'Allah azawajal, et de par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a retransmis tout ce qu'Allah Azzawajal lui a informé. Donc les deux sources pour connaître les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs, le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, pas une troisième source, deux sources. Et donc par là, les noms d'Allah Azzawajal, tawqifiyya, c'est-à-dire ces noms s'arrêtent au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire qu'on ne peut connaître les noms d'Allah Azzawajal que si on a une preuve, ou on ne peut attester un nom d'Allah Azzawajal que si on a une preuve du Coran de la Sunna, qu'Allah a attesté ce nom pour lui-même ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté ce nom à son Seigneur. C'est pour ça qu'on dit Al-Asma'u Tawqifiyya. Natawakkaf Al-Kitab wa Sunna li ma'rifati Al-Asma'i. Et c'est pour ça que le shir yaqul fayuthbatu lillah azza wa jalla ma athbatahu li nafsi wa athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i was-sifat ala wajhi yaliqu bi kamalillah wa jalalihi. Il nous dit donc, en reprenant cette règle, que l'on doit attester à Allah azza wa jalla ce qu'il a attesté par lui-même et de lui-même, c'est-à-dire dans son Coran, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté à propos de lui, bien sûr dans sa sunnah. Parmi les noms et les attributs. Parmi les noms et les attributs. On les atteste à la wajin yaliqu bi kamalillah. C'est-à-dire sous l'aspect qui est propre à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il est parfait. Son entité est parfaite. Donc ses noms et ses attributs sont parfaits. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'on atteste la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on atteste donc et on doit attester son entité, et on doit attester également ses noms et ses attributs et également bien sûr ses actes. Donc tout ça rentre dans l'iman ou billah, tout cela rentre en fait dans la croyance à Allah Azza wa Jal. Et la personne qui n'atteste pas une de ces choses, ou qui en attestent certaines et en attestent et n'attestent pas d'autres, alors son iman naqis, c'est-à-dire qu'il a une foi qui n'est pas complète. Ensuite, yaqul al-shaykh ala wajhin yaliqu bi kamalillahi wa jalalihi min ghayri takyifin aw tashbihin wa min ghayri tahrifin aw ta'tilin kama qala Allah 'azza wa jalla laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Fa fi hadhihi al-aya al-ithbat fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir wa at-tanzih fi qawlihi laysa kamithlihi shay. Ici, le shir va nous donner une règle qui est générale et qui s'applique à tous les noms d'Allah Azza wa Jal et également à tous ses attributs. On a vu donc dans un premier temps l'attestation, al-ithbat. Et l'attestation, on retrouve la preuve de l'attestation dans le verset walillahi al-asma'ul husna. On retrouve également dans un autre verset qui est cité fi surat Taha et qui est le verset numéro 8, Allahu la ilaha illahu lahu al-asma'ul husna, lahu al-asma'ul husna. Et également fi surat Al-Hashr et qui est le verset 24, lahu al-asma'ul husna également. Donc dans ces trois versets, de manière explicite, Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la preuve qu'il a bel et bien et qu'il possède bel et bien des noms qui sont parfaits, des noms qui sont nobles, des noms qui sont beaux. Donc trois passages du Coran. Et également dans le verset qu'il va nous citer, le Shir, et qui est un verset, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, qui représente la base fondamentale de la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal et également bien sûr de ses attributs, et qui est le verset fi surat Shura, la consultation, et qui est le verset 11. Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Il va découler de ce verset toutes les règles que les savants ont écrites, que les savants ont dictées dans leurs livres ou dans leurs cours. Donc l'attestation, on la retrouve dans ce verset-là, fi qawlillah azza wa jalla wa huwa as-sami'ul basir. Allah azza wa jalla, il atteste ici. C'est pour ça que le shir nous dit dans un premier temps la ithbat. Al-ithbatu fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir. Allah azza wa jalla nous affirme qu'il a bien bel et bien des noms. Et il nous donne l'exemple de deux de ces noms. As-sami'u al-basir. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc ici, ithbat. Qu'est-ce qui va en encontre de al-ithbat? Le shir nous a dit, juste avant d'avoir cité le verset, min ghayri tahrifin aw ta'til, ce qui va à l'encontre de al-ithbat, de l'affirmation, ce sont ces deux termes, at-tahrif wa at-ta'til. At-ta'til bi-ta. Donc si on peut écrire les mots, c'est important. At-tahrif, qu'est-ce que at-tahrif du verbe harrafa, yuharrif. Tahrifan, qu'est-ce que at-tahrif? C'est l'altération. On traduit au niveau de la langue française comme étant l'altération, altérer, falsifier. Ici, c'est bien sûr une altération. C'est donc modifier le texte où est présent les noms d'Allah Azza wa Jal ou un des noms d'Allah Azza wa Jal, que ce soit au niveau littéral ou au niveau de la signification. On voit en fait que at-tahrif, il se divise, même si le shir ne le cite pas. Il se divise par la plupart, ou les savants le divisent en deux parties, c'est-à-dire une altération qui va être dite littérale et une altération qui va être propre à la signification, au sens. Donc c'est la modification du texte où est présent, où se trouve le nom d'Allah Azza wa Jal, lui donner en fait une autre signification, l'altérer. Que ce soit donc une modification au niveau du terme en lui-même, c'est-à-dire en rajoutant des lettres ou en enlevant des lettres, ou alors une modification au niveau du sens, comme on a dit, c'est-à-dire laisser le terme tel qu'il est, mais l'interpréter d'une interprétation qui n'est pas valable et qui est en totale contradiction avec le Coran et la Sunna, en totale contradiction avec la croyance des gens de la Sunna. les gens de la sunna et du consensus. Non. Et le deuxième, c'est at-ta'til, et qui rentre également, ou qui est contraire également à l'ifbat. At-ta'til, c'est un terme en fait qui va être proche de l'autre terme al-nafi, parce qu'ils utilisent d'autres savants le terme al-nafi, qui va être proche. C'est tout simplement nier. At-ta'til, c'est nier. Nier tous les noms d'Allah Azzawajal, ou alors nier tous ses attributs. Et ça, en fait, cela va être relatif suivant les sectes. Certaines sectes ont nié tous les noms d'Allah Azzawajal et tous les attributs, comme Al-Jahmiya. D'autres ont nié simplement les attributs, ou ont plutôt attesté les noms sans qu'ils leur donnent leur sens par rapport à quoi ? Par rapport à leurs attributs. Comme on sait que des noms, on tire en extrait des attributs. Ala kulli hal, ceux qui ont en fait nié ces noms-là, ils ont donc été à l'encontre de al-ithbat, c'est-à-dire l'attestation. Ils n'ont donc pas attesté. Ces gens-là n'ont pas attesté comme Allah Azzawajal a attesté ces noms dans cette parole-là, wa huwa as-sami'ul basir, et dans sa parole qui se trouve dans le verset qu'on étudie, walillahi al-asma'ul husna. Donc ça rentre dans l'ithbat, ce qui est contraire à l'ithbat, tahrif wa ta'til. Juste avant, il nous a dit le shir min ghayri takyif aw tashbih. Takyif aw tashbih, qui sont également des termes techniques, et eux qui vont à l'encontre de quoi ? Qui vont à l'encontre en fait at-tanzih, ce qu'on appelle at-tanzih. C'est-à-dire le terme at-tanzih, ce qui nous a dit le shir lorsqu'il a dit wa tanzihu fi qawli laysa kamithli shay. Et c'est en fait c'est le fait d'éloigner d'Allah Azzawajal toute imperfection. Le fait d'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala toute imperfection. Donc on reconnaît, on a la foi qu'Allah Azzawajal est loin de toute imperfection et de tout défaut. Et c'est ce qui est traduit par le terme at-tanzih, at-tanzihu. Et donc ce qui va à l'encontre de cela, c'est at-takif ou at-tashbih. Et ça va donc aller à l'encontre du verset ou de la première partie du verset, Laysa kamithli shay. Laysa kamithli shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Allah Azzawajal, rien ne lui ressemble parmi les créatures. Pourquoi ? Parce que toute créature, tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal, possède automatiquement des défauts et des imperfections. Et cela est impossible dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le créateur subhanahu wa ta'ala est loin de tout défaut. Laysa kamithli shay. Donc à partir de là, il ne ressemble à rien de ses créatures. Aucune créature ne peut ressembler à lui. Il ne ressemble à aucune de ses créatures. Donc à partir de là, il n'y a, au niveau de la compréhension de ce verset, et donc au niveau de la compréhension de la croyance des gens de la sunna et du consensus qui ont puisé leur croyance directement du Coran et de la sunna, il n'y a aucune ambiguïté. Allah Azzawajal ne ressemble à rien. Donc on ne peut tomber dans l'anthropomorphisme, ou on ne peut tomber dans la comparaison qui va être faite à Allah Azzawajal, ou le fait de donner un semblant à Allah Azzawajal. Ici le shir a dit at-takif ou at-tashbih. Qu'est-ce que at-takif ? At-takif, c'est l'interprétation du comment. C'est donc l'interprétation du comment. Et lorsqu'on dit bien sûr l'interprétation du comment, ça rentre plus particulièrement dans les attributs. C'est-à-dire qu'on va interpréter comment Allah Azzawajal, il est dans ses attributs. Donc c'est le fait de donner une description qui va être commune. Le fait de donner une description qui va être commune. Ou de décrire l'aspect d'une chose comme celui qui décrit le comment d'un attribut d'un être humain. À titre d'exemple, lorsqu'Allah Azzawajal s'est élevé sur son trône, istawa ala arshi, ceux qui vont en fait donner une explication, ou ceux qui vont rentrer dans l'interprétation du comment, ils vont nous dire comment Allah Azzawajal s'est établi sur son trône. Donc ils sont en fait tombés dans ce qu'on appelle at-takif, ils ont donné une interprétation. Alors que bien sûr, cette interprétation du comment est interdite. On ne peut savoir comment Allah Azzawajal est dans ses attributs, que ce soit ici l'élévation ou autre. On ne peut savoir, donc on n'a pas le droit, aslan, à l'origine, de rentrer dans l'interprétation du comment. Ça va aller à l'encontre de l'Isa Kamithli Shay. Parce que si Allah Azzawajal est différent de ses créatures, est totalement différent de ses créatures, il ne ressemble à rien de ses créatures dans son entité, alors automatiquement, également, dans ses noms et dans ses attributs et également dans ses actes. Donc, le fait d'avoir cherché à comprendre ou à interpréter le comment d'un attribut, c'est en fait tomber dans quoi ? Dans le takif, de tomber en fait dans l'interprétation, ou plutôt de tomber dans la comparaison également. C'est-à-dire comparer Allah Azzawajal à une de ses créatures. Automatiquement, nous, on ne peut donner l'interprétation du comment qu'en se référant à ce que l'on connaît. Obligatoirement, on ne peut pas, dans notre conception des choses, on ne peut pas se référer à une chose qu'on ne connaît pas. Donc automatiquement, on va se référer à une chose que l'on connaît, et cette chose que l'on connaît, elle va être une créature, automatiquement, ça va être une référence faite à ce qui est créé. Donc à partir de là, la comparaison qui a été faite va amener automatiquement au fait d'avoir donné un semblant à Allah Azzawajal, Donc on voit de façon claire et évidente que c'est contraire à la parole d'Allah, Laysa kamithli shay. On a donc été à l'encontre de cette parole, Laysa kamithli shay, lorsqu'on est rentré dans le takif. Aou tashbi, le chien dit aou tashbi, et tashbi, c'est bien sûr la comparaison, le terme que l'on peut traduire par comparaison. C'est le fait donc de comparer une chose à une autre. Au niveau du sens littéral, c'est le fait de comparer une chose à une autre dans la plupart des aspects. C'est-à-dire qu'on va faire une comparaison entre cela et cela, bien sûr dans la plupart des aspects. Et c'est donc donner, ou c'est donc faire une comparaison entre Allah Azzawajal et ses créatures. Et bien sûr, là aussi, comme At-Takif, c'est strictement interdit, ça va être à l'encontre. Ça va à l'encontre, et c'est contradictoire avec le verset « Laysa kamithli shay ». Donc toutes les personnes qui sont rentrées dans le takif ou le tashbih, eux, ils ont été à l'encontre de ce qu'on appelle at-tanzih, et qui est donc l'éloignement, éloigner Allah Azzawajal de tout défaut et de toute imperfection. Ils sont tombés, eux, dans cela, lorsqu'ils ont comparé Allah Azzawajal, que ce soit au niveau du comment de ses attributs, ou au niveau de son entité, ou au niveau de ses noms, ils sont tombés dans cela. C'est-à-dire d'avoir attribué à Allah Azzawajal des défauts, de par la comparaison qu'ils ont fait d'Allah Azzawajal à ou aux créatures. Allah al-Musta'an. Wa ta'ala Allahu amma yaqulun. Donc le shirk, avec ces quatre mots, takif wa tashbih, et ensuite at-tahrif wa ta'til, et après avoir cité le verset, il nous a énuméré de manière résumée et concise toutes les règles qui sont en relation avec les noms d'Allah Azzawajal. Subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres, et parmi celles qu'il va citer le shirk, c'est que les noms d'Allah Azzawajal ne sont pas déterminés. Les noms d'Allah Azzawajal ne sont pas déterminés. Ils sont en fait indéterminés par rapport à leur nombre. Donc ils ne sont pas restreints à un nombre bien précis, les noms d'Allah Azzawajal. Ça aussi c'est une règle que l'on doit connaître par rapport au nom d'Allah Azzawajal, par rapport donc au droit d'Allah. Il va nous rapporter une preuve par rapport à cela, une preuve qui se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed fi Musnadi, avec une chaîne de transmission qui est authentique, authentifiée par Sheikh al-Albani, كذلك par al-Hafidh ibn Hajar qablahu. Et ce hadith là, al-Shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif de ce hadith, c'est le suivant. As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilm al-ghayb 'indak. C'est-à-dire, et on va traduire donc ce qui est le témoin argumentatif de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aw ista'tharta bi fi 'ilm al-ghayb 'indak. Donc Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah Azzawajal, et lorsqu'il lui demande, il demande par ses noms inam. Donc parmi ce qu'on appelle tawassul al-mashru' al-asma wa sifat, donc demander à Allah Azzawajal par ses noms. Lorsque tu demandes à Allah Azzawajal, tu demandes en employant ses noms, par le biais de ses noms. Et c'est ce qu'on appelle le tawassul. Wa'adha tawassul mashru', c'est bien sûr ici légiféré. C'est-à-dire que tu as gardé en secret auprès de toi dans la science de l'invisible, dans cette science qui est une science bien sûr de l'invisible. Parce que comme on l'a dit, tous les noms d'Allah Azzawajal et tous les attributs font partie de la science de l'invisible. Et cette science-là, Allah Azzawajal, c'est lui qui nous en donne science, lui seul, par le biais bien sûr de son livre, par le biais de son prophète. Ce qu'il n'a pas, ce qui ne nous a pas informé, ça reste donc auprès de lui en secret. Et personne ne peut le savoir, comme c'est exactement la signification de ce hadith. « Awastafarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ». Donc à partir de là, on comprend qu'Allah Azzawajal, il a des noms qu'il n'a pas communiqués à ses créatures. Donc des noms que lui seul connaît, subhanahu wa ta'ala. Et donc à partir de là, on peut savoir ou on peut dire que les noms d'Allah Azzawajal, ils ne sont pas, ils n'ont pas un nombre bien déterminé, ils n'ont pas un nombre déterminé, mais un nombre indéterminé, et qu'ils ne sont pas donc restreints à un nombre particulier. Un autre hadith qui nous est rapporté également, que le chef va nous rapporter, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, dans leur authentique, qui est le hadith d'Abi Huraira, connu de tout le monde, inshallah ou ta'ala, et qui est le fameux hadith où le prophète sallam nous dit « Inna lillahi tis'atan wa tis'ani isman, mi'a illa wahida ». Donc ici on pourrait croire d'après ce hadith que les nombres ou le nombre des noms d'Allah Azzawajal est restreint. Pourquoi? Parce que le prophète Sam nous dit il appartient à Allah 99 noms, 100 moins 1. Celui qui le retient, donc on va revoir le terme ahsah, celui qui le retient rentrera dans le paradis. Lorsqu'on comprend qu'Allah Azzawajal, il a 99 noms, on pourrait comprendre. Lorsqu'on on entend cette information du prophète sallam, on pourrait comprendre qu'Allah Azzawajal a tout simplement 99 noms, et pas un de plus. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Et ce que va nous expliquer le shir, dans un premier temps, on va comprendre ce hadith avec le hadith qu'on a cité auparavant, qui nous prouve bien qu'Allah Azzawajal a des noms que l'on ne sait pas, qu'il a gardés auprès de lui, et donc qui sont plus que 99, sinon il ne nous aurait pas demandé d'apprendre seulement 99. Donc ça c'est évident. Et la deuxième chose, au niveau également du procédé linguistique, lorsque l'on dit que l'on a 99, c'est l'exemple que va nous donner le shir. Il nous donne un exemple qui est le suivant. Il dit c'est-à-dire simplement il nous donne l'exemple qu'une personne ou qu'un shir il a par exemple 100 livres qu'il a préparé pour ses étudiants, pour les étudiants en sciences. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il a préparé, lorsqu'il va leur donner 100 livres, qu'il n'a pas d'autres livres. Donc tout simplement ce nombre ici 100 n'est pas un nombre qui va être déterminé, c'est-à-dire qui est déterminé à 100 livres, que la personne va posséder uniquement 100 livres, mais il peut posséder d'autres livres encore. L'exemple aussi est donné pour une personne qui possède par exemple dans sa poche ou qui possède 100 dirhams ou 100 dinars ou 100 euros et qu'il les donne à une personne et lui dit voilà 100 euros. Ça ne veut pas dire qu'il n'a tout simplement 100 euros ou 100 dinars. Ou qu'il dit en fait j'ai préparé 100 dinars pour cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'il a simplement ces 100 dinars ou 100 dirhams. Non, ça ne veut pas dire ça. Tout simplement, ça veut dire qu'il a préparé pour cette personne ces 100 dinars et qu'il a bien plus. Donc c'est exactement la compréhension qu'on a en fait de ce hadith. Donc ce n'est pas une preuve pour la détermination des noms d'Allah ou du nombre des noms d'Allah. Déterminer un nombre bien précis des nombres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous a également fait allusion le shir à des hadiths qui nous énumèrent 99 noms, comme c'est une version qui est présente auprès de l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan. Et il nous dit en fait que c'est ce hadith là ou la partie de ce hadith là n'est pas authentique, c'est un hadith qui n'est pas authentifié par rapport à l'énumération des noms ou des 99 noms qui sont présents dans ce hadith et dans d'autres hadiths. Donc il a dit tous les hadiths qui sont ou qui traitent ou qui énumère nom par nom les 99 noms ne sont pas authentiques. Donc à la base, on ne peut se baser sur un hadith qui n'est pas considéré comme authentique pour argumenter ce qui concerne une loi ou ce qui concerne une croyance. Ensuite, dans le verset, il dit Allah Azza wa Jal, fadu'uhu biha, c'est-à-dire invoquer Allah Azza wa Jal de par ses noms, avec ses noms, ou de par ses noms, par le biais de ses noms. Donc, comme il dit le Cheikh, yutawassal ila Allah bi asma'i wa sifati. Et parmi, bien sûr, le comportement à avoir, ou l'adab fi hada, c'est qu'on va, suivant notre demande, on va demander au nom d'Allah Azza wa Jal ce qui lui correspond. Et avant, lorsqu'on a dit bien sûr le terme dans le hadith, pour ne pas oublier, man ahsaha dakhala al-jannah, le terme donc ahsaha veut dire celui qui va apprendre ces noms-là, qui va comprendre la signification de ces noms-là, et également qui va appliquer ce qu'impliquent ces noms-là. Comme par exemple, Al-Karim, Allah Azza wa Jal, il est le généreux, donc il a cet attribut qui est la générosité. Donc à la personne d'appliquer ce qu'implique ce nom, c'est-à-dire d'être généreux. Donc c'est ça le sens qui est bien plus général, man ahsaha dakhala al-jannah, et que l'on traduit par apprendre ou retenir, etc. Donc on voit que c'est un terme qui est plus général, ça c'est par rapport à la compréhension du hadith. Et pour revenir donc à ce que l'on disait, on doit utiliser le nom qui est en relation avec notre demande. Si par exemple on demande à Allah Azza wa Jal qui nous pourvoit, alors on va demander suivant son nom Ar-Razzaq. C'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal ce dont on a besoin, nos besoins de manière générale. Naam. Si on demande à Allah Azza wa Jal qui nous fasse miséricorde, qu'est-ce qu'on va utiliser comme nom ici? Ya Rahman Ya Rahim. C'est-à-dire tout miséricordieux, très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Et ainsi de suite. C'est-à-dire la demande va être le nom va être en relation avec la demande. Ça fait partie minal adab. Ça fait partie donc du comportement à avoir dans les doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça rentre dans l'explication de la deuxième partie du verset. Fadu'uhu biha. Walillahi al-asma'ul husna. Walillahi al-asma'ul husna. Fadu'uhu biha. Et ensuite. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ Donc le verbe ici qu'Allah Azza wa Jal il emploie, c'est yulhidun, et donc qui est l'ilhad. Cheikh va donc nous expliquer, à travers la parole de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, il va nous expliquer qu'est-ce que l'ilhad et qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce terme lorsqu'on emploie dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, Al-Ilhad. Yaqul l'imam Al-Qurtubi. Et avant cela, il va nous dire que le terme Al-Ilhad, il vient du terme où il va d'abord nous expliquer le shir, son sens linguistique, c'est-à-dire son sens au niveau de la langue arabe, et il nous dit bien sûr que c'est Al-Mail. C'est Al-Mail. Donc Al-Mail, c'est le penchant vers quelque chose où dévier de quelque chose. Lorsqu'on dévie de quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'ilhad. Lorsqu'on dévie d'une chose, n'importe quelle chose, on appelle ça l'ilhad. Donc on dévie de cette chose-là. Et par rapport à l'ilhad fi asma'illah, l'ilhad fi asma'illah, yaqul al-mail biha amma tadullu alayhi ila umurin la tadullu alayha. C'est tout simplement dévier donc de ce que signifie ces noms, de ce qu'ils indiquent ces noms, vers des choses, donc on a dévié de cela, vers quoi? Vers des choses ou vers des points qui ne sont pas indiqués par ces noms. C'est la signification donc de Al-Ilhadu fi Asma'illah. Donc on voit que c'est bien Al-Mail, mais ici qui va être bien plus restrictif, c'est-à-dire Al-Mailu biha amma tadullu alayhi ila umurin la tadullu alayha. Donc on a dévié de ce qu'indiquaient les noms et les attributs, et ici les noms, on a dévié de ce qu'indiquaient les noms d'Allah Azza wa Jal, non mais sur son nom, on a indiqué de ce qu'indiquaient les noms d'Allah Azza wa Jal, vers quoi? Vers ce qu'il n'indiquait pas, tout simplement. Ça c'est l'ilhad ou fi asma'illah. Et c'est pour ça également au niveau de la langue, on emploie le terme qui revient de la même racine et qui est l'âme, ou al-ha, ou al-dal. On emploie le terme al-lahd fil-qabr. Donc bien sûr, lorsqu'on creuse une fosse pour bien sûr enterrer le mort, on appelle ça al-lahd. On appelle ça al-lahd. Et bien sûr, on va dévier. C'est-à-dire qu'on va dévier bien sûr d'un creusement qui va être rectiligne en direction bien sûr de al-qibla pour enterrer ensuite le mort. Et c'est ce qu'on appelle en fait al-lahd. Donc on voit que ce sont la même origine que le terme al-ilhad. Et on voit également ici la notion de déviation. Ensuite, il va nous donner les différentes catégories donc de déviation. Al-ilhadu yakun bi thalathati awjuh. Hadha kalam al-Imam al-Qurtubi. أحدها بالتغيير فيها كما فعله المشركون. C'est-à-dire qu'il va nous donner maintenant la première catégorie. Cette première catégorie, c'est tout simplement le changement. Le changement des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas où c'est l'acte qu'ont fait al-mushrikun, les polythéistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris en fait des noms d'Allah azawajal, ils en ont extrait et dévier des noms qu'ils vont attribuer à leur statut, à ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous donner trois exemples, le shirk, qui sont des exemples connus et qui sont ces noms-là, ces noms de statut qu'on a adoré en dehors d'Allah azawajal, qui sont bien sûr venus dans le Coran. Et le premier qui est Al-Lat. En fait, le terme Al-Lat, ça vient du nom d'Allah. Allah, du nom Allah. Donc ça vient en fait de la même racine, simplement qu'ils ont changé et c'est devenu Al-Lat. Donc ça vient du terme Allah. Et ils ont désigné donc par ce nom, dérivé du nom d'Allah Azzawajal, ils ont désigné leur statut qu'ils adoraient. Également Al-Uzza, ça vient du terme Al-Aziz, ça vient du nom d'Allah Azzawajal, Al-Aziz. Donc on voit également que c'est la même racine. Ils ont donc pris le nom d'Allah Azzawajal, ils l'ont changé, tahir, changement, et ils l'ont appelé Al-Uzza, et ils l'ont adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Donc ça aussi c'est donc une déviation. Ils ont dévié du nom d'Allah Azzawajal. Tahir, ce qu'on comprend donc par cette première catégorie. Et également le terme Manat, qui est pris donc du nom d'Allah Azzawajal, Al-Mannan. Al-Mannan. Donc également, même procédé. Et ça, bien sûr, cette explication-là, elle a été donnée, comme le rappelle Al-Qurtubi par Ibn Abbas wa Qatada, parmi les grands savants du Coran, de l'explication du Coran. Al-Thani, Biziyada. Donc la deuxième mène en catégorie, c'est par augmentation, Biziyada. Et ensuite la troisième, Biziyada Tifiya Tab'an, en augmentant par rapport au nom d'Allah. Il va ensuite nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et ensuite la troisième, qui est le contraire, bin nuqsan mina, bin nuqsan mina, qui est donc le contraire donc de l'augmentation, qui est la diminution, qui ont diminué par rapport au nom d'Allah. Ziyada wa nuqsan, ça c'est athani wa thalith, c'est la deuxième et la troisième catégorie. Qu'est-ce que veut dire biziyada? Il nous dit tout simplement, c'est ce qu'on a expliqué en fait auparavant. Ça revient à ce qu'on a expliqué auparavant, lorsqu'on a expliqué les règles des noms d'Allah Azzawajal et ce qui venait contredire ces règles-là, ou qui était bien sûr contraire à ces règles-là. Et donc, lorsqu'il dit Ziyada, yaqul ma'na Ziyada fil asma at-tashbih. Ma'na Ziyada fil asma at-tashbih. Et pourquoi cela? Donc, on a vu at-tashbih, qui était la comparaison, le fait de comparer Allah Azzawajal à ses créatures. Ça, c'est at-tashbih. Taïb. Et pourquoi cela en fait? Pourquoi le shir il nomme cela par ziyada et que ça fait partie donc de al-ilhad, ou une des catégories de al-ilhad, de la déviation? Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté en fait, ils ont rajouté une explication à ce qu'Allah Azzawajal n'a pas dit, par rapport à ce qu'Allah Azzawajal n'a pas dit, par rapport à ce qu'Allah Azzawajal ne leur a pas informé et qui ne leur a pas permis de faire cela. Donc eux, ils ont rajouté, par exemple lorsqu'ils ont interpréter des noms d'Allah Azzawajal en les comparant avec des créatures, ils ont tout simplement Yani zadou, c'est-à-dire qu'ils ont donné une explication qui était supplémentaire et bien sûr non valable. Donc ça c'est ziyada. Et ça fait partie donc de l'augmentation, ça fait partie d'une des catégories, ou la deuxième catégorie de la déviation, l'ilhad. Et pour ce qui est d'an-nuqsan, an-nuqsan, c'est bien sûr la diminution, et ici ça va être traduit par, comme nous explique le chien également, at-ta'til, c'est-à-dire an-nafi, at-ta'til, c'est-à-dire nier. Ils ont nié donc les noms d'Allah Azzawajal. Ceux qui ont nié les noms d'Allah Azzawajal, bien sûr, fait une opération de diminuer, c'est-à-dire ils ont diminué la valeur d'Allah Azzawajal lorsqu'ils ont nié ses noms. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nuqsan, et c'est aussi dévié, ils ont dévié par rapport à ça dans les noms d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire l'ilhad, et c'est la troisième catégorie. Donc ziyada, parce qu'ils ont donné des explications qu'Allah Azzawajal n'a pas donné, n'a pas permis de donner, ils sont rentrés bien sûr dans la comparaison, ou un nuqsan, tout simplement parce qu'ils ont dénié ce qu'Allah Azzawajal, ou ont nié ce qu'Allah Azzawajal avait attesté pour lui-même dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'un côté ils ont augmenté, et ça c'est la deuxième catégorie de l'ilhad, et dans l'autre côté ils ont diminué, et c'est également, et c'est ici la troisième catégorie de ce qu'on appelle al-ilhad fi asma'illah. Et ensuite le shir nous dit wa ahlu sunnati jama'u bayna al-husnayn wa salimu min al-isa'atayn fa athbatu wa nazzahu. Tout simplement les gens de la sunna, walillah alhamd, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait regroupé entre les deux aspects positifs, c'est-à-dire ils ont tout simplement attesté ce qu'Allah Azza wa Jalla a attesté pour lui-même. Ça c'est d'un côté, et ils ont éloigné d'Allah Azza wa Jalla tout ce qui était imperfection, tout ce qui était imperfection et défaut, et qui est traduit bien sûr par la comparaison qui est faite d'Allah Azza wa Jalla à ses créatures. Donc les gens de la sunna fil wasat, ils sont bien sûr sur le juste milieu par rapport aux sectes, bayna al-mushabbiha wa al-mu'attila, ceux qui ont comparé et ceux qui ont nié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce qui est l'explication de cette parole d'Allah Azza wa Jal et de ce verset وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et ensuite il va prendre le shir, où il va choisir un autre verset de surat Al-A'raf, qui est le verset 199 et également le verset 200. 199 et 200. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة الأعراف. L'imam al-Qurtubi, il dit dans son tafsir, donc le shir, pour donner l'explication de ce verset, et qui est dans la traduction du sens, et c'est le suivant, et la suivante, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. Yaqul l'imam al-Qurtubi, hadhil ayatu من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. نعم. Il dit en fait que ces trois termes, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, ils comprennent les bases de la sharia, les bases bien sûr de la législation en ce qui concerne les obligations, al-ma'murat, et les interdictions, al-manhiyat. Ensuite, il explique. Il dit, khudh al-'afw. Khudh al-'afw. Qu'est-ce que veut dire ici? Ou quelle est en fait la compréhension de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, dakhala fihi silatul qati'in. C'est-à-dire une personne qui a, donc pour comprendre cette parole de manière plus générale, les gens, ils ont bien sûr des caractères, ils ont des comportements taïb, Ils vont avoir des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Certaines personnes ont plus de choses qui vont être bonnes, d'autres plus de choses qui vont être mauvaises. Suivant le cas des personnes, suivant le degré des personnes, suivant la foi des personnes, suivant beaucoup de choses qui rentrent en compte, bien sûr, suivant beaucoup de facteurs. À la kulli hal, Allah Azzawajal, il nous dit ici de prendre ce qui est bon de ces gens et de délaisser ce qui est mauvais. De prendre ce qui est bon des gens et de délaisser ce qui est mauvais. C'est-à-dire la personne qui est devant toi, tous les attributs, toutes les mauvaises sifat, c'est-à-dire les mauvais attributs qu'elle a, délaisse-les. Et regarde ce qu'elle a de bon et prend de cette personne ce qu'elle a de bon. Et délaisse le reste. Khudil afwa. Il dit l'imam al-Qurtubi, à partir de ce verset-là, il rentre à l'intérieur de ce verset-là, ce qui est compris dans ce verset-là, ou cette partie du verset, Silatul Qatirin, la personne bien sûr qui t'a coupé les liens, alors toi rétablis le lien. La personne qui était mauvaise envers toi, par rapport bien sûr à un caractère, alors rétablis-toi le lien. Wal'afwa anil muznibin, c'est-à-dire pardonne envers ceux qui ont péché. Sois pardonneur envers ceux qui ont péché. Warrifqu bil mu'minin. Warrifqu bil mu'minin, c'est-à-dire sois doux envers les croyants. Wa'iru dhalik min akhlaq al-muti'in, c'est-à-dire et d'autres encore, d'autres choses, à titre bien sûr ici d'exemple, d'autres choses qui rentrent dans le comportement de ceux qui ont obéi à Allah Azza wa Jalla al-muti'in. Wa dakhala fi qawlihi wa'mur bil 'urf, wa'mur bil 'urf. Wa'mur bil 'urf, c'est-à-dire commande ce qui est convenable. Et comme on va le voir, et c'est une explication que nous est donnée par l'imam al-Bukhari dans son authentique, al-urf al-ma'ruf. Al-urf al-ma'ruf. Donc lorsqu'on traduit ce qui est convenable, c'est bien sûr tout ce qui est convenable au niveau de la religion. Tout ce qui rentre dans les obéissances, tout ce qui rentre dans ce qui est obligatoire au niveau de la religion, alors c'est considéré comme al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Obligatoire et également ce qui est préférable. Wa'mur bil'urf. Les exemples qui va nous donner le shir, c'est la tul arham, c'est-à-dire maintenant d'établir le lien de parenté. Wa taqwallah fil halali wal haram, avoir la piété d'Allah azawajal, dans quoi? Dans ce qui est du licite et de l'illicite. Wa rabul absar, c'est-à-dire détourner ses yeux, abaisser ses yeux, détourner ses yeux du haram. Wa listi'dadu li daril qarar, c'est-à-dire se préparer pour la demeure dans l'au-delà qui sera bien sûr une demeure éternelle et qui n'aura pas de fin. L'idar il qarar. Ensuite, dans cette parole, dans la troisième partie de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'rid anil jahilin. Al-habbu ala ta'alluqi bil-ilm. Ça, c'est important. Ce que comprend ce verset, comme nous l'explique l'imam al-Qurtubi. Il dit al-habbu ala ta'alluqi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'incitation. Al-habbu al-hath. L'incitation à s'attacher à la science. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit wa'arib anil jahilin, c'est-à-dire éloigne-toi des ignorants, il est compris que tu dois te rattacher donc à la science et aux gens de science. Tu dois te rattacher donc à la science et aux gens de science. Si Allah Azza wa Jalla interdit de faire une chose, automatiquement cette interdiction va comprendre son contraire, et c'est ce que nous dit l'imam al-Qurtubi. Wal-i'radu an ahli al-dhulm, et se détourner des gens de l'injustice. Wat-tanazzuh an munaza'ati as-sufaha, et également ça aussi c'est important, et ça c'est la parole d'Allah azza wa jalla, et c'est l'explication de l'imam al-Qurtubi. Il nous dit s'éloigner de débattre avec soufaha, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme ignorants, qui sont considérés au niveau de la religion comme des imbéciles, des gens qui n'ont aucune science et qui viennent parler sur des choses qu'ils n'ont pas comprises, des choses qu'ils n'ont même pas étudiées, des choses qu'ils n'ont même pas pris de la bouche des savants. Ces gens-là qui croient qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas, on les appelle soufaha. Wal-jahala wal-arbiya, comme il le cite le shir. Al-jahala wal-arbiya. Ces gens-là, on doit s'en éloigner. C'est-à-dire ne pas débattre avec ces gens-là. Ça ne sert à rien de débattre avec ces gens-là. Ça, on va, en faisant cette action-là, c'est-à-dire s'éloigner des gens de l'ignorance, concrétiser la parole d'Allah Azzawajal, « وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » Et c'est pour ça que يقول الشاعر إذا خطبك السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت. C'est-à-dire que lorsque l'ignorant, l'imbécile veut débattre avec toi, فلا تجيبه, c'est-à-dire ne lui réponds pas. فخير من إجابته, c'est-à-dire la meilleure des réponses que tu peux lui donner, السكوت. Quoi? Et qui est en fait السكوت, qui est le silence. Le silence, c'est la meilleure des façons par rapport au comportement que l'on peut avoir, le croyant, par rapport au jahil, par rapport à l'ignorant. وَأَعْرِبْ عَنِ الْجَاهِلِينَ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ensuite, le shaykh, hafidhahullah, il va nous rapporter une parole maintenant de shaykh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, fi kitabi Adwa al-Bayan, donc tout le monde connaît maintenant ce livre Adwa al-Bayan, qui est donc le fameux tafsir. Le cheikh rahimallah Muhammad al-Amin, il va tout simplement nous expliquer que dans ce verset, Allah Azzawajal nous met en évidence que quoi? Que l'on doit se comporter avec les diables parmi les hommes avec douceur. يقول فبين أن الشيطان أن الشيطان الإنس يعامل بالليل وأخذ العفو والإعراض عن جهلي وإساءتي. Ça, c'est la première chose que nous indique le verset, comme nous l'explique Cheikh Mohamed Al-Amin, rahimahullah. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla yaqul khudh al-'af wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin, tout cela en fait, comme nous l'explique donc le Cheikh ici, ça concerne l'être humain. Ça concerne l'être humain. Et comme vous savez, parmi l'être humain, il y a la personne qui est considérée comme un diable, de par ses actes, de par ce qu'elle pense, etc. Comme cela est cité dans surat An-Nas, الذي يوسوس في صدور الناس ايش من الجنة والناس من الجنة والناس, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla parle ici du diable, et qu'il, c'est-à-dire celui qui fait cela, soit un djinn ou un être humain. Donc les diables, ils sont aussi bien parmi les djinns que parmi les êtres humains. Et à partir de là, le shir, il nous explique que le croyant, il doit avoir un comportement qui va être particulier avec la première catégorie des diables, et un comportement qui va être particulier avec la deuxième catégorie des diables. Donc la première catégorie est donc le comportement qui va être respectif à cette catégorie, c'est donc la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 199, donc le premier verset. Comme nous l'a expliqué donc l'imam al-Qurtubi, comme on l'a compris, comme on a compris ce verset. Donc on doit être envers ces gens-là, ou notre comportement envers ces gens-là doit être en fait fait avec, comment, avec douceur. Avec douceur. Par contre, maintenant, yaqul وأن الشيطان الجن لا منجا منه إلا بالاستعاذة بالله منه. Maintenant, le deuxième comportement qu'on doit avoir par rapport à la deuxième catégorie de djabs, qui sont les djabs parmi les djinns, il nous dit qu'il n'y a pas moyen de s'échapper, il n'y a pas moyen de se protéger, ou il n'y a pas moyen de s'échapper de leur mal, que par quoi? Que par l'istirada, c'est-à-dire le fait de demander la protection auprès d'Allah Azza wa Jal de ses créatures. Et c'est pour ça donc qu'Allah Azza wa Jal dit ensuite, après avoir cité la première catégorie, il dit dans le deuxième donc verset, qui est le verset 200, « وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. » Ensuite, Allah Azza wa Jal, tout simplement, nous a dit un seul cas. Pour ce qui est de cette catégorie-là, c'est tout simplement demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, ce n'est plus le comportement à avoir envers eux avec douceur, etc., non. Pourquoi? Comme nous l'explique le shir, la manja, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de s'échapper de ces gens-là, ou arfouan, il n'y a pas possibilité de s'échapper de cette catégorie de créatures qui sont les diables parmi les djinns, sinon avec l'istirada, sinon avec la demande de protection. Il va nous donner d'autres exemples, deux autres exemples qui sont dans le Coran et qui reflètent la même chose. L'autre passage qu'il nous donne, il se trouve fi surat al-mu'minin, fi surat al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Allah Azza wa Jalla, il dit, donc au verset 96, et de fa billati hiya ahsanu sayya nahnu a'lamu bima yasifun. Ça c'est le verset 96. Ici, dans ce verset là, Allah Azza wa Jalla, il nous dit comment on doit faire par rapport donc aux diables parmi les humains, ceux qui sont considérés comme des diables parmi les humains. On pousse le mal par ce qui est meilleur, nous savons très bien ce qu'ils décrivent, par ce qui est meilleur. Donc on voit ici al-lin wal-ihsan et de faire billati ahsan ash as-sayya. Ensuite nahnu a'lamu bima yasifu. طيب. Et ensuite dans le verset suivant, et qui est le verset 97 et également le verset 98, yaqul Allah azza wa jalla وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Donc tout de suite après, Allah Azza wa Jal nous dit comment on doit se comporter envers les diables de parmi les djinns. Ça c'est encore un deuxième exemple qui nous donne le shirk. Et dit: Seigneur, je cherche la protection contre les incitations des diables. Et bien sûr ici, donc Al-Maqsoud, les diables parmi les djinns. Donc Allah Azza wa Jal, tout simplement, il nous dit de chercher protection. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَعُوذُ بِكَ. Comme dans le verset précédent. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Ça, c'est le deuxième passage où Allah Azza wa Jal, donc, nous informe des deux comportements à avoir suivant les deux catégories de diables. La troisième et dernière, le troisième et dernier passage que le shir il cite, c'est fait surat Sajda. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et de faire billati ya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka anna waliyun hamim. Ah non, ça c'est, non, c'est surat Fussilat, non, surat Fussilat. Et c'est le verset 34. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Donc on voit également ici comment Allah Azza wa Jalla nous demande d'être envers cette catégorie de diable, donc d'être bon et de faire billati ya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim. Et ensuite, donc ça c'est la première le comportement avec la première catégorie. Et ensuite, après, il vient dans le verset 36, donc bien sûr tout le temps la même sourate, dans le verset 36, après qu'Allah Azza wa Jal nous informe que ceux qui donc font cela, c'est de la part bien sûr d'Allah. Et ensuite donc il dit wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Donc on voit encore une autre fois tout de suite après que Allah Azza wa Jal nous dit comment on doit se comporter avec la deuxième catégorie de parmi les diables. Les diables parmi les djinns. Si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment le djinn omniscient. Donc ça c'est trois passages du Coran où Allah Azza wa Jal nous expose cette signification.